Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée de ce 13 novembre dont les grands titres sont les suivants. Le LUCOM demande au gouvernement burundais de considérer la recommandation qui a été faite par la CNIDH demandant au ministère de l'Intérieur de revoir la mesure qui a été prise pour la suspension et radiation de certaines organisations burundaises. Dans ce journal, vous entendrez la réaction du chef de le LUCOM. Pour certains habitants de Bujumbura, la vasectomie n'est pas un remède à la surpopulation que connaît le pays. Ils disent cela alors que le monde célèbre la journée internationale dédiée à la vasectomie. La cherté de la vie commence à se faire parler d'elle en province Lomongue suite à la montée des prix des denrées alimentaires qui s'observent sur le marché de cette province. Le développement de ces titres, c'est dans ce journal que vous est présenté par Ali Dandaikeza. Eric Wimana assure la mise en onde. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bienvenue encore. On commence ce journal par la page Bonne gouvernance. Le gouvernement burundais devait mettre en application la recommandation formulée par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH en sigle, celle de revoir la mesure prise par le ministère de l'Intérieur de suspendre, voire radier, certaines organisations de la société civile. L'appel est de Gabriel Ruffilli, président de l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économique au LUCOM en cycle, qui constate qu'une telle décision réduit l'espace d'expression publique au Burundi et renforce la haine. Gabriel Ufili explique que suspendre ou radier une organisation ou parti ressort d'un jugement rendu, ce qui n'a pas été fait pour ce cas. Suivez-le. Il était au micro d'Evariste Nzikobanyanga. Le gouvernement du Burundi croit à la démocratie, à la bonne gouvernance, à la transparence. Il ne devrait pas verrouiller avec des cadenas l'espace des libertés publiques. Normalement, pour qu'une organisation soit radiée, il doit y avoir un jugement couru en force de choses jugées, ce qui n'a pas été le cas. Le ministre de l'Intérieur a expliqué que ces organisations n'ont pas exécuté leur mission comme assigné dans leur statut. Le ministre est l'une des parties qui ne peut pas être juge et parti, comme on le dit en droit. Un ministre ou un gouvernement peut se tromper. Ce sont des humains. C'est pour cette raison que, au niveau de l'OLICOM, nous pensons qu'il serait judicieux de suivre la voie légale. Il a agi ainsi, mais sachez que cette décision, c'est une décision qui a été prise en dehors de la loi. Nous pensons que toutes les décisions prises dans la Corée, que ce soit pour le gouvernement, que ce soit pour toute autre personne, nous pensons que cela ne peut pas amener la paix. Plutôt, ça renforce la haine. C'est pour cette raison que, au niveau de l'OLICOM, nous pensons que qu'il est plus que déjà de mettre en application la recommandation de la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, qui parle de rapprocher les deux parties. Nous pensons qu'il est vraiment urgent que les autorités burundaises arrêtent de prendre des décisions précipitées, plutôt prennent des décisions après avoir pesé le pour et le contre et voir les dangers. Gabriel Ruffilli réagit après la radiation de force Fokode, ACAT, APRODH et RCP, alors que les organisations temporairement suspendues sont COSOM, CBCPI, UBJ, LIGITECA et SOS Torture. Poursuivons par la page santé. Certains habitants de la capitale Bujumbura disent qu'avoir le recours à la vasectomie n'est pas une solution pour remédier à la question liée à la surpopulation qui s'observe ces jours-ci. Ils expliquent que chacun devrait être maître de soi-même face à la surpopulation. Ces propos sont tenus au moment où le monde célèbre aujourd'hui une journée internationale dédiée à la vasectomie. Suivez-les. Moi qui crois en Dieu, je ne vais pas me priver de mettre au monde parce que Dieu lui-même a dit « Allez procréer, soyez nombreux comme du sable de la mer ». C'est pourquoi je ne peux pas le faire. Et ceux qui le font ne croient plus en Dieu parce qu'ils enlèvent une partie du corps que Dieu leur avait donnée. Je En vérité, moi, j'ai bien accueilli cette décision. Je ne vois aucune conséquence. De nombreuses personnes m'ont demandé si ça marche bien dans notre vie amoureuse. Je leur ai dit que je ne me plains pas, c'est encore possible. À mon avis, je ne suis pas d'accord parce que nous avons été mis au monde de nous aussi et par nos aïeux. Si on ne continue pas de procréer, le pays risque de regresser en arrière en développement. Nous, nous approchons la mort. Et les enfants que nous aurons mis au monde vont également procréer. Ça ne serait pas facile parce que ça serait interrompre des générations. Peut-être les médecins pourraient voir comment adopter les méthodes contraceptives parce que si on ne procrée pas, ce serait une entrave pour le pays. Cela dépend de ce que nous entendons, la surpopulation, l'exiguïté des terres, la pauvreté. Pour moi, je ne souhaite pas le faire parce que si je le fais, c'est comme si je me privais de procréer toute ma vie. Je peux me discipliner par rapport à mes moyens et dire « c'est deux enfants seulement ». La radio de l'avenir. 13h03 dans les studios de la radio Isanganiro. Continuons avec notre journal. Les habitants qui ont été chassés à l'endroit appelé communément Koumassé dans le quartier industriel en mairie de Bujumbura, ils vivent aujourd'hui dans des conditions pénibles. Ces habitants ont érigé des tentes à moins de 50 mètres du lac Tanganyika. Ils demandent une assistance à l'endroit des autorités, surtout en cette période pluvieuse. Reportage d'Evrard Havialimana qui s'est rendu sur les lieux. Arrivant au quartier industriel à l'endroit communément appelé Koumassé, comme nous l'avons constaté, il y a des huttes, certains en paille, érigées à moins de 50 mètres du lac. Après la mesure de la démolition de ces maisons, disent-ils, les conditions de vie sont lamentables. On nous a dit que c'est 150 mètres, mais certains ont eu des logements, d'autres n'en ont pas eu. C'est dû à la volonté de ceux qui nous dirigeaient. Ils auraient dû commencer à démolir ces étages avant de venir vers nous. À ceux qui disent qu'ils sont dans la zone tampo à ne pas franchir, ces habitants disent qu'on ne devait pas commencer à eux, étant donné qu'il y a des étages qui se trouvaient tout près d'eux. Avant, c'était une maison, mais aujourd'hui, ce ne sont que des cartons. Vous voyez cette vingtaine d'enfants, il n'y a personne pour les aider. C'est juste des tentes qu'on a rassemblées. Quand un parent est frappé par son supérieur, on n'y perd rien. Tu ne vas pas te plaindre sans connaître des gens de la justice. Nombreux vivent grâce au lac Tanganyika. Ce sont des pêcheurs avec de petites pirogues pour nourrir les enfants. Et s'il y a une autorité qui vient ici, elle dit de tout prendre. Ces habitants demandent aux autorités de leur venir en aide dans cette saison de pluie parce que les maladies dues au froid vont bientôt les attraper. Merci à Evrard. Quittons Bujumbura pour nous rendre à Rumonge où les prix au kilo des denrées alimentaires ne cessent de grimper au marché de Rumonge. Les commerçants de ces produits évoquent leur rareté dans les points d'approvisionnement et les consommateurs craignent la cherté de la vie. Depuis Rumonge, correspondance de Jean-Pierre Misago. Dans le stand destiné principalement aux céréales, dans le marché central de Rumonge, les produits dominants sont le riz et le haricot. Mais à des prix élevés par rapport au mois dernier, le riz burundais est en effet passé de 1500 francs burundais à 1700 francs burundais le kilo. Le haricot jaune vient de passer de 1400 francs burundais le kilo à 2000 francs burundais le kilo. Celui communément appelé kirundo est à 1300 francs burundais le kilo, alors qu'il était à 900 francs burundais le kilo il y a un mois. Le haricot dit à Makuta, qui était à 1000 francs burundais le kilo, s'achète aujourd'hui à 1300 francs burundais le kilo. Les commerçants interrogés disent que les prix de ces produits ont grimpé dans les lieux d'approvisionnement à Rugombo, en province de Cibitoke, à Ngozi, à Gitega et à Bujumbura, et craignent même la rupture des stocks. De leur côté, les consommateurs redoutent déjà des conditions de vie plus difficiles qu'avant, car leur situation économique ne s'est pas améliorée, une situation aggravée par le retard du semis pour la saison culturelle A. Jean-Pierre Misago de Purumonge, Radio Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Dernier élément de ce journal en nous rendant l'international en France. Commémoration aujourd'hui du premier anniversaire des attentats du 13 novembre en Colombie. Nouvel accord de paix trouvé entre le gouvernement et les FARC. En Éthiopie, plus de 11 500 personnes arrêtées depuis le début de l'état d'urgence. Les détails avec Alain Désiré Bukeyeneza. En Éthiopie, le nombre d'arrestations dans le cadre de l'état d'urgence dépasse les 11 500 personnes, un chiffre massif qui illustre l'ampleur de la répression du mouvement de contestation antigouvernementale. Comme nous le lisons sur le site de la RFI, depuis l'instauration de l'état d'urgence il y a un mois, plusieurs Éthiopiens ont été placés en détention. Jusqu'ici, les autorités éthiopiennes ne reconnaissent que 2 500 arrestations. Le chiffre montre l'ampleur de la reprise en main après les semaines de violence qui ont fait trembler le régime. Ces arrestations se concentrent dans les régions Oromo et Armala, là où la contestation est la plus forte, ainsi que dans la capitale Addis Abeba. Les autorités ont également publié une longue liste des motifs de détention qui va du saccage de bâtiments à l'érection de barrages sur les routes en passant par les mouvements de grève interdits sous l'état d'urgence. En France, un an, jour pour jour, après les attentats du 13 novembre, en hommage aux victimes rendues ce dimanche sur les sites des attaques de Saint-Denis à Paris pour des commémorations sobres conformément aux vœux des familles. Le site de France 24 écrit que des plaques ont été dévoilées dans la matinée par François Hollande en hommage aux vies fauchées en ces lieux. Au lendemain de la réouverture de Bataclan, avec un concert de Sting pour se souvenir et célébrer la vie, c'est le temps du recueillement en mémoire des victimes des pires attentats jamais commis en France. 130 personnes ont trouvé la mort dans ces attentats et des centaines de blessés. En Colombie, nouvel accord de paix trouvé entre Bogota et les forces armées et révolutionnaires. Comme nous le lisons sur le site Le Monde, la guérilla des FARC et le gouvernement colombien ont annoncé samedi 12 novembre à Cuba s'être entendus sur un traité de paix remanié pour tenter de sauver l'accord historique mettant fin à 52 années de guerre qui a été rejeté par référendum depuis octobre. Ce texte contient des changements, des précisions et des contributions de divers secteurs de la société, ont détaillé les deux parties dans un communiqué publié à La Havane et lu par des diplomates de Cuba et de Norvège, pays garants du processus de paix. Merci à Désiré. C'est par ici que nous mettons fin à ce journal. Mais avant de nous quitter, un petit rappel des titres. Le LUCOM demande au gouvernement burundais de considérer la recommandation qui a été faite par la CNIDH, demandant au ministre de l'Intérieur de revoir la mesure qui a été prise pour la suspension et radiation de certaines organisations burundaises. Dans ce journal, vous avez entendu les propos du chef de le LUCOM. Pour certains habitants de Bujumbura, la vasectomie n'est pas un remède à la surpopulation que connaît le pays. Ils disent cela alors que le monde célèbre la journée internationale dédiée à la vasectomie. La cherté de la vie commence à se faire parler d'elle en province Lomongue suite à la montée des prix des denrées alimentaires qui s'observent sur le marché de cette province. Merci pour votre attention. Merci également à Eric Wimana pour sa collaboration technique. Bon après-midi dominical à tous.